1. Tu l'as dit à ta mère? 2. Ouvre la fenêtre, il fait chaud. 3. Tu peux venir, s'il te plaît? 4. Il pleure, il a de la peine. 5. Tu connais son frère? 6. Ne fais pas la tête. 7. Non, non, y a pas de problème.